tes beaux ceintures, je vais raconter une histoire. J'ai plus confiance en personne, je suis seul pour faire du sens. Je peux mourir pour la famille comme un samouraï. Dans mon micro, j'ai mis quelques balles. Il n'est plus aucun fratello. Fratello, il n'est plus aucun fratello. Fratello, je ne peux compter que sur mon dos. Fratello, pour faire l'oseille, je suis solo. Fratello, je n'ai plus aucun fratello. Je vais avoir des problèmes parce que je veux plus d'oseille. Je vais avoir des problèmes, je n'ai plus aucun fratello. Je vais avoir des problèmes parce que je veux plus d'oseille. Je vais avoir des problèmes, je n'ai plus aucun fratello. Je crache une fumée brune, je regarde la lune. J'ai mis du Vladimir dans une cristalline. Je suis trop déçu, plus d'amis. J'ai plus d'amis, j'ai tout misé sur la famille. Faut bien commencer par un centime pour être millionnaire. Démarre le monster, mon copilote porte les bracelets. De la prison ferme, chaque année on perd des êtres chers. Que Dieu nous protège, moi et mes compagnons de misère. Je vais l'air mettre profond dans le couloir. J'ai une tonne de contrats sur le bureau. Deux, trois petits frères dans le fourreau. Non, je n'ai plus aucun fratello. Fratello, je n'ai plus aucun fratello. Fratello, je ne peux compter que sur mon dos. Fratello, pour faire l'oseille, je suis solo. Fratello, je n'ai plus aucun fratello. Je vais avoir des problèmes parce que je veux plus d'oseille. Je vais avoir des problèmes, je n'ai plus aucun fratello. Je vais avoir des problèmes parce que je veux plus d'oseille. Je vais avoir des problèmes, je n'ai plus aucun fratello. Mon cœur est crypté comme mon téléphone. Comptez la somme, recomptez la somme. Je ne ressens plus rien, je suis en titane. Je suis un mélange, Zidane, Six-Nine. J'espèce les trophies, j'escorte les coffres. Sur la table une quiche, j'ai moussé le cristal. Chuté, c'est crème, j'affole les chiens de la douane. De la peur, pas de la voine, dans les poches, rien de la vanne. Je vais l'air mettre profond dans le couloir. J'ai une tonne de contrats sur le bureau. Deux, trois petits frères dans le four. Non, je n'ai plus aucun fratello. Fratello, je n'ai plus aucun fratello. Fratello, je ne peux compter que sur mon dos. Fratello, pour faire l'oseille, je suis solo. Fratello, je n'ai plus aucun fratello. Je vais avoir des problèmes parce que je veux plus d'oseille. Je vais avoir des problèmes, je n'ai plus aucun fratello. Je vais avoir des problèmes parce que je veux plus d'oseille. Je vais avoir des problèmes, je n'ai plus aucun fratello.